On se bat seul sans partenaire, pourtant on est des millions. Solitude dans notre propre guerre qui nous regroupe en grillons. Disons que tu finisses sans nerf à te taper les sanctions. Y'en a qui finissent centenaire à tout ken sans vraie fonction. Fonction d'espoir qui fait vivre, va prendre ta part, ta ration. Rends-toi ivre par ta passion avant que te noie la nation. La haine en plus qui délivre, je double la file d'attente action. Vers les grandes affirmations avec point d'exclamation. Saute à pied, joins dans leur jungle pour voir ce qui se cache derrière. L'homme est un loup pour l'homme qu'avance vers chèvre et bergère. Je vais vers les lèvres qui se testent guerre, vers les rêves qui servent de repère. Les conseils que tu gardes derrière mes fonds effets réverbères. Je prends ma part du gâteau, sachant qu'il y en a qu'on les miettes. Sachant que d'autres coupent un bout pas grand parce qu'ils prennent tout le reste. Reste sur sa fin la jeunesse, dès qu'elle a faim se redresse. Sentir le parfum de la richesse, richesse la fin de la quête. Anxieux, tellement qu'on est nombreux, je n'ai plus qu'à croire en ceux qui peuvent être grands sans être envieux de voir les autres dangereux. Quand ceux qui meurent sans requête bossèrent un taf sans fortune. Et c'est des magouilles discrètes qui aspireront toutes les thunes. Aujourd'hui on cherche le frein, c'est hoche comme on pique en flèche. Ça explosera dans la main comme une dynamite sans mèche, sans deck. Force est de te mettre en piste, de prendre des neurones en kit. Si tu restes inoffensif, on te portera en pendentif. Ouais, prêt pour l'injection d'énergie, je décline. Toute impunité ton corps gît, des ruines viennent authentifier le jour J. Je dessine tout ou partie de ton esprit précis, comme un désert, crash comme un geyser. Un pétrolier de haine, je transporte misère. Les gorges resserrent, je coule les yeux de mec teigneux. Y'a plus de criminels au mic quand je m'installe précieux. Contact les cieux, demande-leur qui de nous deux est bon pour le premier prix quand l'autre crie. Appelle donc les, juge donc les génie ange du MIC qui font que j'enclaire. Les feuilles comme des tableaux vides où glissent mes frais. Les îles musicales le fait que je donne plus que du vrai. La meilleure note qu'on retienne, 10 pour la FM. Formation musicale dans laquelle je révèle comme l'absolu du rêve, là j'ai concrétisé. Comme dominer mon mic sur magnétisé. Inscris donc mon nom au sommet, je domine. Tapant plus que l'homme le permet. J'exprime dans mon phénotype ce que tu sais. Manille, seul parmi les hommes je resterai comme l'unique. K.O.H. l'euphorique, seul parmi les critiques. Une seule éthique, viser le ciel au sens biblique. Une seule musique, partagée par tant de millions. Un seul MC, dans les vagues de tant de signons. K.O.H. un rayon. Coma, R.O.C. K.O.H. un rayon ensemble. De Paris capitale en France, la connexion se lance. Monte le son du transistor et écoute le son qu'on balance. Quand il s'agit de parler vrai, quand il s'agit de dire ce qu'on pense. Là de la contre-info comme il faut, sans attente de récompense. Un stylo et du papier, vu que c'est tout ce qui nous reste. On dit nos trucs sur instru, on sait que la vie n'est qu'un test. Une longue route où le doute t'accompagne toujours. En réalité, la vie sur terre ce n'est qu'un court séjour. Alors, choisir entre le bien et le mal, mentir ou dire vrai, j'ai fait mon choix sur instrumental. C'est ça ou rien, vu qu'ici bas on n'a pas grand chose. J'ai 25 ans, les yeux ouverts et ma bouche n'est jamais close. Je suis qu'un parmi des millions, c'est-à-dire un de plus dans la place. Perdu dans la masse, dans l'impasse, où trop sont déjà entassés. Remplacés on les tous, et alors qu'ici on est plus utile. Génération Kleenex, donc faire pognon et prévoir exil. On se dit que la vie c'est ça, en attendant que la roue elle tourne un jour. Elle tourne pas, et nous ici on attend toujours. Moi je vis où, on n'a pas souvent le choix. C'est un parmi des millions, des sales regards, un climat froid. Des fois, je me dis qu'entre nous, un peu d'union, ça ferait pas de mal. Vu qu'en plus on est des millions. One in a million.